vous allez comprendre ce que je veux dire par bénéfice versus risque. Mettons que l'étude sur les gaz de schiste là est terminée et elle démontre hors de tout doute que d'ici 20 ans, en général, il y en a eu plein d'études. Ils ont déjà été faites puis il n'y a pas de danger. Mais ils à fond à la sauce verte un peu l'environnemental et disent c'est quasiment sûr que d'ici 20 ans, si on développe le gaz de schiste, il risque d'avoir au moins une famille de 5 personnes intoxiquées mortellement contaminées par l'eau du gaz de schiste. Savez-vous quoi? Je suis pas pareil. Hein? Tu viens de dire que tu veux tuer Butch 5 personnes? T'es pas pareil, même si on dit que ça va arriver. Et je vous répondrai, fermons les routes. Fermons toutes les routes du Québec. Je peux vous prouver qu'il va y avoir 500 morts d'ici l'an prochain. Ben non, Butch, on fermera pas les routes! Voyons donc, on en a besoin! Ben c'est ça. Le gaz de schiste, on en a besoin. S'il y a 5 morts, il y aura 5 morts. Voyons donc. Toute activité humaine peut comporter des risques mortels. Juste le fait de sortir de chez vous. Le risque, il faut le mesurer et il faut le comparer et il faut le relativiser. Si le gaz de schiste d'ici 20 ans m'amène tant de milliards, permettant d'investir tant dans les hôpitaux pour faire le ménage comme faut des chambres, puis enrayer l'assez difficile, si je suis capable de ramener ça comme en Ontario à 95 morts au lieu de 600, je viens de sauver 500 personnes avec le cash fait avec le gaz de schiste. Ben, les 5 qui mourront à cause de ça, tu veux que je te dis, on est gagnant en bout de ligne. C'est ça qu'il faut. Mais on n'est plus capable. Au Québec, cette gestion-là du risque, l'obsession de la sécurité a pris toute la place, et les Verts ont beau jeu de dire et d'agiter des épouvantails avec n'importe quoi, c'est dangereux, mais tout est dangereux. Arrêtez de respirer, tant qu'à ça, il peut y avoir des virus dans l'air. Ne buvez pas d'eau, regardez ce qui s'est passé à Walkerton. Ne faites rien. Non, faut faire de quoi, en disant, ça vaut à peine. Moi, je prends mon char, même si je peux me frapper mortellement un matin. Il y a eu un accident hier, je prends mon char pareil. Le gaz de schiste, tu n'auras pas 100 personnes. Il va-tu en tuer 5, 10? Moi, je vis bien. Je m'excuse quand je dis je vis bien que ça. Je ne souhaite pas ça. Je ne m'en réjouirai pas. Mais oui, go, ça peut peut-être arriver. En passant, c'est jamais arrivé. Il n'y en a pas eu. Il y a eu zéro mort, le gaz de schiste. Il y a des milliers de puits en opération. Mais à un moment donné, va-tu arriver un cas où ça va se contaminer? Ça se peut. Ouais, puis on n'arrêtera pas de vivre à cause de ça. Il faut pas... Là, le pétrole, imagine-toi, là, on est le pétrole. Parce que le gaz de schiste, c'est dans le cours du monde, dans la vallée du Saint-Laurent, des zones densément peuplées. Mais là, le pétrole dont on parle au Québec, c'est la péninsule gaspésienne. C'est pas une population extrêmement dense. C'est un endroit magnifique. Effectivement, faut y penser. Mais c'est pas un endroit où ça va intoxiquer des gens, la présence de quelques puits. L'île d'Anticosti, réserve une biodiversité magnifique, un endroit superbe. Et c'est là qu'ils sont les permis d'exploitation. Puis Old Harry, le gisement dans le golfe du Saint-Laurent, c'est pas des endroits où les gens vivent forcément. Il y a des gens, je oui. Mais bon, si tu scrapes la vie de milliers de personnes, c'est s'il y a un risque de vraiment une tragédie, là, je suis capable de comprendre, là. Mais s'il peut y avoir des erreurs puis quelques déversés, il y a des risques, puis à un moment donné, ça peut arriver. Faut que tu sois capable de dealer. 9h30, FM 93.